Vous êtes bien sûr branché sur les ondes de la radio Isangane. Le bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Neuf changeurs de Rumonge qui s'étaient accommodés au jugement rendu sont au cachot de Murembe depuis ce lundi. Leurs proches s'inquiètent de cette situation. Notre correspondant dans cette Rumonge nous fera le point dans cette édition. À Tibitoke, c'est le manque de bancs pupitres dans certaines écoles fondamentales de cette province. Des enseignants évoquent des difficultés pour enseigner des élèves assis par terre. Dans ce journal, c'est également le manque des nouveaux billets de 10 000 francs et 5 000 francs dans certaines institutions financières. Des commerçants refusent des anciens billets. À la BRB, l'on prévient ces commerçants qui sont susceptibles de poursuites judiciaires. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Eric Ouimana assure la mise en onde. Moïse Misago suit à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. Manque de bancs pupitres dans certaines écoles fondamentales de la province Cibitoke. Certains enseignants indiquent éprouver des difficultés pour suivre de près les élèves à leur charge. Ainsi, à l'école fondamentale Karama 1 de la commune et province de la commune Rugombo en province Cibitoke, une salle de classe peut atteindre 120 élèves. Les enfants s'indignent qu'ils sont dans le malaise. Le point avec patient Niyidinkoza. Les élèves se lamentent qu'ils n'ont pas de banc pupitre. Certains s'asseyent par terre. Nous n'avons pas de banc pupitre. Nous nous asseyons par terre. Nous demandons la disponibilité de banc pupitre et des salles de classe. Une telle situation rend les enfants mal à l'aise par le fait que leurs vêtements sont souillés. Mes habits deviennent sales. Je ne trouvais pas où m'asseoir. Et je m'assieds dans une place non confortable. Il faut que l'on nous donne des bancs pupitres. Certains enseignants considèrent que cela impacte négativement sur le taux de réussite. Les difficultés que nous rencontrons, c'est que les enfants font beaucoup de bruit quand nous dispensons les cours, ce qui provoque l'échec pour eux. À cause du nombre élevé des enfants dans la salle de classe, leur encadrement nous semble difficile. En plus, d'après toujours ces enseignants, suivre beaucoup d'enfants et même ceux qui s'asseyent par terre ne permet pas aux éducateurs de connaître le niveau de chaque élève comme cela se doit. On ne peut pas remarquer le problème de chacun dans leur encadrement. Auparavant, on pouvait connaître le nom de chaque élève et son comportement parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Pour remédier à ces problèmes, nous demandons la construction des infrastructures scolaires suffisantes et leur équipement pour qu'il n'y ait pas un nombre excessif d'élèves dans une salle de classe. Le directeur provincial de l'éducation en province de Cibitoke annonce que la question est en cours de traitement. Joseph Nyandwi indique que les bancs pupitres sont en cours de fabrication. Merci, patient Nio Nizo Nizza. Le ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux a rendu publique la nouvelle politique nationale de logement au Burundi dans une conférence de presse tenue ce mardi. Dieudonné Doukounda, né à la tête de ce ministère, a indiqué que cette politique préconise de migrer 40% de la population dans les villes d'ici 2040, ce qui exige la construction de 33 000 logements chaque année. Jean de Dieu, Irakode. Nous voulons atteindre un taux de 40%, ce qui veut dire que d'ici 16 ans... Selon le ministre en charge des logements sociaux, cette nouvelle politique vise à augmenter le nombre de la population qui habite dans les villes. Il a ajouté qu'elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Dans le secteur des logements sociaux, elle préconise à migrer 40% de la population dans les villes en 2040, ce qui demande la construction de 33 000 nouveaux logements chaque année. Nous voulons atteindre un taux de 40%, ce qui veut dire que d'ici 16 ans, nous devons avoir au moins 5 millions de personnes vivant au Burundi qui habitent dans les villes. Ça veut dire que nous devons migrer pas moins de 3 300 000 personnes dans les villes et villages. Ce n'est pas un petit projet parce que ça exige la construction d'au moins 530 000 nouveaux logements pendant cette période qui part de cette année jusqu'en 2040. Ça veut dire que chaque année, nous devons construire au moins 33 000 nouveaux logements. Si on ne peut pas atteindre cet indicateur, ça veut dire que ça sera impossible d'atteindre la vision 2040 dans le secteur de l'habitat, dans le secteur des logements. Un autre avantage, a indiqué le ministre, et vient répondre en partie à des problématiques qui se posaient dans ce secteur, notamment l'exiguïté des terres qui est tuable. Nous sommes tous au courant que nous avons une problématique liée à l'exiguïté des terres, la problématique foncière. Alors, on ne pouvait pas continuer à construire en utilisant les méthodes qui ont toujours été utilisées dans ce pays. Ce n'est pas possible parce que ça va nous amener dans une situation où les terres agricoles vont s'amenuiser davantage. Les mécanismes de financement du logement tels que nous les avons actuellement sont contraignants. Nous voulons alors avoir un système, bien sûr, qui est contrôlé par notre système bancaire, par notre banque centrale, mais un système qui offre des produits, des services financiers qui soient à la portée d'un grand nombre de demandeurs. Dans nos éditions ultérieures, l'on vous parlera des acteurs impliqués dans cette politique et les conditions de fixation des coûts des logements qui seront construits dans ce cadre. Merci Jean-Didier Irakodze. Un décret précisant la mise en œuvre de la politique d'ajustement salarial est en cours. C'est ce qu'a dit ce lundi le ministre des Finances après avoir expliqué aux députés le contenu du nouveau budget 2023-2024. Selon le ministre Audace Nyonzima, les fonds pour cette politique ont été prévus dans ce budget. Il y a un article dans ce projet de loi pour la fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2023-2024. L'article numéro 34 qui prévoit le dégel de l'avancement administratif des salaires et de tout le personnel de la fonction publique, y compris les administrations personnalisées. Donc nous disons qu'il y a l'article 34 qui prévoit le dégel de l'avancement administratif des salaires de tout le personnel et qu'il y a un décret qui est prévu qui va fournir les détails et les modalités de la mise en œuvre de cet article. Les clients des institutions financières de la capitale politique Gitega ne sont pas servis pour le montant qu'ils veulent. À l'agence BCB Gitega, le plafond des retraits est de 50 000 francs pour les nouveaux billets. Et à la banque des jeunes Bige, ceux qui font le retrait reçoivent les nouveaux billets de 10 000 et 5 000 francs, sauf ceux qui retirent plus d'un million. Certains commerçants du marché central de Gitega refusent de recevoir les anciens billets. Arthur Kababouch. Devant l'agence de la banque BCB de Gitega et devant le siège de la banque des jeunes Bige, il y avait de longues files d'attente, des gens dont les unes venaient faire le retrait et d'autres pour échanger les anciens billets de 10 000 francs et 5 000 francs bou récemment changés par la Banque de la République du Burundi. Une femme rencontrée à l'agence BCB Gitega nous a dit que puisque ces nouveaux billets sont peu nombreux, le plafond des retraits est de 50 000 francs bou. À la BCB, on vient de nous dire que puisqu'il y a peu de billets, le plafond des retraits est de 50 000 francs bou par personne. Comme il nous a pris au même pied d'égalité, nous trouvons que ce n'est pas injuste. Quant à la banque des jeunes Bige, ceux qui font le retrait reçoivent les billets de 1000 francs bou et 500 francs bou, mais ceux qui cherchent plus d'un million reçoivent les nouveaux billets, comme l'indique ce monsieur. On nous donne tous les billets de 1000 francs, 500 francs et 2000 francs bou, mais les nouveaux billets ne sont donnés aux grandes sociétés comme celle que je viens de voir ici qui retire plus de 10 millions. Moi, je ne les ai pas eus et je n'ai vu personne les recevoir. Nous avons également rencontré un homme qui venait du marché central de Gitega et qui nous a fait savoir que les anciens billets ne sont reçus que quand on achète tout l'équivalent. Si tu achètes un produit de 2000 francs bourg avec 5000 francs bourg, on n'accepte pas. Mais si tu achètes avec les 5000 francs bourg, on accepte. Il demande à la Banque de la République du Burundi d'envoyer beaucoup de nouveaux billets possibles. Dans la province de Gitega, la BRB a sorti un chronogramme de change de ses anciens billets en allant au chef-lieu de toutes les communes, une activité qui a débuté ce lundi. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. La Banque de l'Habitat du Burundi, Agence Ngozi, est la seule institution financière qui distribuait des nouveaux billets de 5 000 et 10 000 francs dans la province Ngozi. Conséquence d'importants attroupements de la population qu'on ne peut pas servir en une seule journée, d'après le chef de cette agence, Vena Nduimana. À la COPEC Ngozi, le gérant peine à expliquer aux clients l'inexistence de ces nouveaux billets pour les servir et les envoie à la BRB où ils ne sont pas aussi reçus. Kajambere Gilles, responsable de la BRB Ngozi, tranquillise cette population. Le point avec Apollinaire Mozagar. Une foule de personnes cherchant le retrait de leur argent s'est donné rendez-vous à la Banque de l'Habitat du Burundi, agence Ngozi, ce mardi mat. Le gérant de cette agence indique que les premiers à être servis sont ceux qui n'ont pas été accueillis hier, car selon Venant Douimana, même s'ils ont travaillé jusqu'à 18 heures, tous n'ont pas été servis. À la COPEC Ngozi, le gérant avait du pain sur la planche à expliquer à ses clients qui voulaient s'approvisionner au marché ou aux commerçants pourquoi il n'y avait pas d'argent. Il les envoyait à la BRB pour se rassurer. Là aussi, ils n'étaient pas accueillis car il n'y avait pas de nouveaux billets en suffisance pour les servir. Mais Jules Kajambere, responsable de la BRB Ngozi, rassure que, sous peu, la population sera servie car la question a déjà été transmise à Bujumbura. La population dit qu'elle peine à trouver de quoi supporter leur famille car les anciens billets de 5 000 et 10 000 francs sont souvent rejetés au marché central, dans les boutiques et même dans les pharmacies. Ces habitants d'Ngozi demandent au gouvernement de tout faire pour trouver remède à ce problème afin que la vie, qui semble aujourd'hui très difficile, reprenne. Ngozi, Apollinaire Mozagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Mozagara. La Banque centrale devrait rendre disponibles de nouveaux billets de 10 000 francs et 5 000 francs en cours de remplacement en mettant dans les places publiques des points où l'on peut échanger ces billets sans beaucoup de difficultés. Souhait de l'association des transporteurs du Burundi à Trabou au moment où, ces jours-ci, il s'observe des querelles entre les passagers et les transporteurs. Charles Nirameba, secrétaire général de la Trabou, rappelle que ces billets gardent toujours leur cours normal jusqu'au 17 courant selon la BRB. Au niveau de l'association des transporteurs du Burundi, nous avons déjà formulé des conseils auprès des transporteurs, surtout pour ce qui concerne le respect de la mesure qui a été prise par notre gouvernement, de recommander surtout aux transporteurs de savoir que les billets de 5 000 et de 10 000 francs restent dans la circulation jusqu'au 17 juin et que personne n'a le droit de refuser ces billets. Et ce conseil peut aussi aller à l'endroit des passagers qui cherchent à se débarrasser de ces billets, là où on peut trouver plus de 30 personnes dans le bus paye les gros billets alors qu'à l'état normal c'était le contraire. Aujourd'hui, les passagers cherchent à se débarrasser des gros billets du moment où, pendant l'état normal, ils paient des petites coupures. Sur les différents parkings, vous trouverez des gens qui disposent des petites coupures. Parfois même, ce sont ces gens-là qui où les convois font de recours quand il s'agit d'échanger un billet de 10 000 ou de 5 000. Aujourd'hui, alors, ces gens-là cherchent à s'accaparer de beaucoup d'argent. Quand on donne un billet de 10 000, par exemple, il y a ceux qui cherchent à soustraire 1000 francs pour un billet de 10 000. Alors vous comprendrez qu'entre le convoyeur et le passager qui va céder le 1000 francs, ce n'est pas le convoyeur qui a transporté un passager de 550. Ce n'est pas non plus le client qui veut échanger cet argent. C'est comme s'il voyage à 1550. Nous, au niveau de la Trabou, on demanderait à ce que la banque de la République puisse disponibiliser les ponts d'échange, si je peux dire, sur les différents parkings, les différents marchés, les ponts d'échange qui seraient réservés uniquement aux gens qui ne disposent pas beaucoup d'argent. Donc pour quelqu'un qui a un billet de 10 000 et qui veut l'échanger, qu'il l'échange très facilement, sans toutefois aller faire un fil d'attente dans les institutions financières. Et les gens qui sont en train de refuser les billets de 5 000 et 10 000 francs sont susceptibles de poursuites judiciaires, accusés de sabotage à l'économie, prévient le porte-parole de la Banque centrale BRB. Bellarmé Bacinoni fait savoir que ces billets gardent leur cours normal jusqu'au 17 courant. Entre-temps, la BRB continue à fournir des nouveaux billets de 5 000 francs et 10 000 francs aux institutions financières, ajoutait-il. Nous voudrions tranquilliser toute la population burundaise que ces billets qui sont en train d'être retirés de la circulation, à savoir les billets de 5 000, de 10 000 francs en Burundi, continuent cependant à être utilisés dans le commerce. Jusqu'au 17 juin, tout le monde devrait continuer à les utiliser. C'est ce que a dit la Banque centrale à travers le gouverneur dans son communiqué, que ces billets devront continuer à être utilisés dans les transactions. Donc, personne ne devrait s'inquiéter, mais aussi personne ne devrait pas refuser d'accepter ces billets, puisque, et là, nous voudrions interpeller, avertir même ceux qui les refusent, qu'ils sont susceptibles d'être poursuivis pénalement, être peut-être accusés de sabotage de l'économie nationale ou de rébellion contre l'ordre établi, étant donné que la Banque centrale a bien précisé que ces billets continuent à être utilisés dans les transactions. Par ailleurs, le paiement cash n'est pas le seul moyen de pouvoir payer les biens et services. Il y a aussi d'autres moyens de paiement, comme les transferts qui sont opérationnels ici au Burundi et qui sont d'ailleurs des moyens sécuriser, étant donné que détenir le cash peut exposer la personne détentrice du cash à de l'insécurité et à d'autres risques. Nous voudrions aussi relancer l'appel qui a été donné par le ministère en charge de l'administration et de la sécurité publique aux administratifs à la base de veiller à ce que personne ne puisse refuser ces billets. Ce que la banque est en train de faire, c'est que depuis le 7 juin jusqu'à aujourd'hui, la banque continue à donner ces billets, mais aussi d'autres coupures aux banques commerciales qui sont ses intermédiaires. Neuf changeurs de monnaie de Rumonge contre lesquels le tribunal de grande instance de cette province avait récemment décidé la confiscation de tout l'argent saisi sur eux et le paiement d'une amende de 5 000 francs pour chacun pour être libérés ont été transférés à la prison centrale de Rumonge ce 12 juin 2023, même s'ils s'étaient accommodés au jugement rendu. Certains parmi leurs proches disent ne pas comprendre ce qui se passe et estiment que les leurs devraient être libérés. Le procureur de la République à Rumonge dit avoir interjeté appel, ce qui, selon certains juristes de Rumonge, ne justifie pas son maintien en détention, n'est-ce pas Jean-Pierre Misago? Après un procès de flagrance du soir du 30 mai 2023, un procès au terme duquel un jugement stipulant la confiscation de tout l'argent saisi sur eux pour le verser dans le trésor public et le paiement d'une amende judiciaire de 100 000 francs burundais chacun a été prononcé contre les échangeurs de monnaie. Ils sont restés retenus au cachot de la police de Rumonge après le paiement le lendemain de l'amende décidée par le tribunal de grande instance de Rumonge. Après deux semaines, ces neuf changeurs de monnaie ont été plutôt transférés à la prison centrale de Rumonge, communément appelée Mulembwe, ce 12 juin courant, à la grande surprise de leur famille qui espérait les voir libres. Certains de leurs contactés disent ne rien comprendre sur cette situation. De son côté, le procureur de la République à Rumonge dit que le parquet de Rumonge n'a pas exécuté ce jugement car ayant interjeté appel. Cependant, pour certains juristes de Rumonge, cette détention est illégale car elle a violé l'article 174 du Code de procédure pénale qui stipule que pendant le délai d'appel et en cas d'appel jusqu'à la décision, l'inculpé est maintenu en l'état où l'ordonnance du juge l'a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n'est pas expiré. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Uimana pour sa parfaite collaboration technique. Gardez l'écoute. Le programme continue sur Isanganiro. Au revoir. Yeah.